Le temps du don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le temps du don. Au programme de cette 9e émission, Dominique vous informera sur les dernières actualités sur le don de sang. La thématique de l'édito du mois sera « Quel événement pour un don de sang ?». Ce mois-ci, nous recevons une présidente d'association qui nous parlera de ce que les associations mettent en œuvre pour promouvoir le don. Et nous finirons bien entendu avec l'agenda du don du mois de mai. Le temps du don, le temps de l'actu. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe. Alors, quelles sont les actualités dont tu veux nous parler ce mois-ci, Dominique ? Alors, les actualités du mois de mai sont assez simples. Le mois de mai est rempli de longs week-ends et de celui du jeudi de l'Ascension, c'est le 14 mai. Je suis sûr que nos auditeurs vont en profiter pour prendre du bon temps. Il va faire beau, en tout cas, je l'espère. Mais n'oublions pas que le don de sang, au mois de mai, c'est comme pour les vacances d'été et de fin d'année, il n'y a pas de jour férié. Oui, parce que l'EFS reste ouvert et ils ne font pas les ponts. Il y a toujours des malades et des blessés qui ont besoin de transfusions ou de médicaments tous les jours. Donc on pourra profiter de ces longs week-ends pour donner son sang. Par exemple, le EFS reste ouvert le samedi 9 mai pour donner son sang, son plasma ou même ses plaquettes. Et ils ne font pas non plus le pont du week-end de l'Ascension. Donc vous pouvez prendre rendez-vous le lendemain, le vendredi 15 ou le samedi 16 mai, à la Maison du Don à Nancy, et pour les étudiants qui vont profiter de ces longs week-ends, également à Metz. Effectivement, donc l'EFS est fermé les jours fériés, mais c'est une bonne idée pour occuper son week-end, Dominique, ça. Puisqu'on le rappelle, hein, chaque jour en France, c'est 10 000 dons qui sont nécessaires, mais y compris les jours fériés. L'autre actu, c'est le don de sang, parlez-en. Ouais, que vous soyez en entreprise, avec vos amis, vos parents, soyez fiers de donner et d'en parler autour de vous. Et si vous voulez vous engager, vous pourrez rejoindre une association ou organiser une collecte dans votre entreprise. Oui, voilà une idée qui n'est pas banale. Vous pourrez prendre contact avec l'EFS directement sur leur site et ils vous diront comment faire et vous donneront la communication. Quand on parle de team building dans les entreprises, au lieu de paintball, pourquoi pas une collecte, c'est moins douloureux. Autre actu, Christophe, est-ce que tu as déjà fait du tandem ? Alors si je monte sur mon vélo actuellement, il va croire qu'il y a deux personnes qui sont dessus, mais sinon non, jamais. Eh bien, c'est pas comme les étudiants de l'école des mines de Douai qui font un tour de France à tandem. C'est Eurotandem. Du 1er au 2 mai, 32 étudiantes et étudiants partent du Nord et font le tour de la France en 2 semaines et en tandem. Et ils ont été accueillis par des associations pour le don de sang pour aller à la rencontre de nouveaux donneurs sur leur route. Ils sont là pour récupérer des promesses. C'est donc leur 35e Tour de France. Donc si vous avez rencontré des jeunes habillés en orange, vous saurez pourquoi. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour connaître les résultats de leurs aventures. Et ils ont une page Facebook ou Instagram. Ils sont pas dopés, hein ? Je ne pense pas. Enfin, nous sommes au mois de mai et ils se préparent quelque chose pour le 14 juin. Est-ce que tu le sais, Christophe ? Alors, comme c'est pas le jour de mon anniversaire, je pense que c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Oui, c'est ça. La journée mondiale des donneurs de sang. Je vous dis ça un petit peu en avance pour que les mairies illuminent en rouge leurs bâtiments communaux. Donc, vous pouvez aller voir vos maires et leur en parler. Ou aussi, aller voir les associations de donneurs de sang, car la fédération a mis en place une communication spécifique. Merci Dominique. Effectivement, chaque association, chaque union départementale se doit de communiquer cette action auprès de sa municipalité. Le temps du don, le temps de l'édito. On pourrait croire qu'il suffit d'une affiche, d'une banderole, d'un slogan, d'un stand avec deux chaises, d'une date entourée en rouge dans un calendrier. Mais promouvoir le don de sang, ce n'est pas seulement informer, c'est donner envie. Alors les bénévoles se creusent la tête et se demandent quel événement imaginer. Alors bien sûr, il y a les grandes dates, comme la journée mondiale du don de sang dont parlait Dominique à l'instant. Elles jouent un rôle clé, elles mettent le sujet en lumière, elles rappellent l'urgence, elles créent un moment collectif une fois dans l'année. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Pour toucher, il faut rapprocher. Pour mobiliser, il faut incarner. Et si le bon événement, c'était celui qui vient à nous ? Une collecte au cœur d'un festival ? Un camion de don installé sur une place animée ? Un partenariat avec un club de sport où l'on vient donner avec le plaisir de pouvoir rencontrer des sportifs avant ou après leur entraînement ? Un défi entre collègues, entre amis, entre étudiants, entre quartiers, que sais-je ? Des événements où le don de sang sort de ses murs, où il devient visible, accessible, presque naturel. Et puis il y a une autre clé, l'émotion. Donner son sang, c'est abstrait, jusqu'au moment où une histoire nous touche. Alors pourquoi ne pas donner la parole à ceux qui reçoivent, à ceux pour qui chaque don compte vraiment ? mettre des visages, des voix, des parcours derrière ces poches de sang. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait le mois passé, hein, et je vous invite à réécouter l'émission du mois d'avril avec le témoignage de Gérald Renault. Parce qu'au fond, le meilleur événement, ce n'est pas le plus grand, c'est celui qui crée le déclic. Celui où quelqu'un se dit « mais pourquoi pas moi ?» Promouvoir le don de sang, ce n'est pas créer un moment exceptionnel, mais unique. C'est réussir à transformer un geste rare en habitude. Et si le véritable événement, finalement, était celui où chacun décide un jour de franchir le pas ? Le temps du don, le temps de l'invité. Cette semaine, dans le temps du don, nous recevons Laetitia Grandidier. Bonjour Laetitia, bienvenue dans le temps du don. Et bonjour à vous, merci de votre accueil. Alors Laetitia, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Ensuite, je vous ferai jouer comme d'habitude à un petit quiz. Et je vous inviterai ensuite à nous parler d'actions que vous menez pour promouvoir le don de sang dans votre association. Pourquoi c'est important pour vous de témoigner pour le don de sang. C'est OK pour vous Laetitia? Très bien, oui. Alors c'est parti. Qui êtes-vous Laetitia Grandidier? Alors, Laetitia Grandidier, eh bien, je suis une femme de 46 ans, maman de 3 enfants, de 3 jeunes filles. Je travaille chez TER Grand Est. Et je suis donc la présidente de l'association de la ville de Maxéville. Ok. Et vous êtes vous-même donneuse de sang? Alors, donneuse de sang et donneuse de plasma. Et alors, depuis quand êtes-vous impliquée dans le milieu associatif, Laetitia? Alors, dans le milieu associatif depuis 2021, j'ai d'abord été la vice-présidente de l'association et puis j'ai repris la présidence en 2022. Mais c'est tout récent en fait. C'est assez récent, oui. Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, j'ai envie de dire que moi, le don du sang, c'est un peu comme Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. mon grand-père a été cofondateur d'une association de donneurs de sang. Ah, mon oui. papa a été président d'une association de donneurs de sang. Donc, j'ai grandi dans l'ambiance association de donneurs de sang. J'ai bien évidemment moi-même donné mon sang dès l'âge de 18 ans. Et puis après, la vie fait que on construit sa famille, on n'a pas trop le temps. Mais passé l'âge d'une quarantaine d'années, on se dit que... on va pouvoir se consacrer un peu plus au milieu associatif et donner de son temps. C'était important pour moi de le faire. Ok, très bien. Et c'était où là votre grand-père? Vous avez parlé de votre grand-père, il était Alors où, c'était proche de Sarrebourg. Ok. Dans une petite commune qui s'appelle Imlin. D'accord, et très bien. Et donc 3 enfants qui, on le devine, vont bientôt donner leur sang. Eh bien voilà, on a déjà la 4e génération qui est en route puisque ma fille a eu 18 ans il y a quelques mois et... elle est déjà donneuse de sang et très prochainement de plasma. On la félicite. Ok, merci pour cette présentation, Laetitia. Avant de poursuivre notre échange, je vous propose de jouer tout de suite à un petit jeu. Le temps du don, le temps du quiz. Allez, je vous pose tout de suite la première question sous forme de QCM. Hein, alors, il n'y a pas de piège, vous inquiétez pas tous les deux. Pourquoi mon sang est rouge? Ça, c'est la question. Alors, les propositions, c'est parce que s'il était transparent, on ne le verrait pas. Petit B, parce qu'il contient des globules rouges. Petit C, parce que je mange trop de fraises. Difficile. Moi, je dirais bien la troisième. Ouais, mais le restant de l'année, on n'a pas de fraises, donc je penche quand même pour la 2. Effectivement, parce qu'il contient des globules rouges. Et je vais vous donner quelques infos complémentaires. Les globules rouges, en fait, pour faire simple, ce sont des minuscules sacs remplis d'un liquide coloré, donc en rouge forcément, qui s'appelle l'hémoglobine. Et c'est cette protéine rouge, l'hémoglobine, donc qui capte l'oxygène de l'air que tu viens d'inspirer dans tes poumons à l'instant, là, Dominique. Et c'est elle qui le transporte dans ton corps à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et une fois arrivé dans tes muscles ou dans ton cerveau, l'hémoglobine libère l'oxygène. La nature ayant horreur du vide, l'oxygène est remplacé par du gaz carbonique que ton hémoglobine va maintenant emporter dans tes poumons. Et à ce moment-là, ce gaz toxique est rejeté dans l'air que tu souffles. Eh bien, voilà une information intéressante. Donc, t'as vu ça, on en apprend des choses pendant ce quiz. Ouais. Allez, deuxième question. On est prêt. Prêt? Ouais. Je suis allé donner mon sang à la collecte mobile de Liverdun le 24 avril dernier. Quand puis-je prendre rendez-vous pour donner mon plasma à la maison du don de Nancy? Petit A, 15 jours après. Petit B, 1 mois après. Petit C, 2 mois après. Quelle est-elle, cette réponse? Alors la réponse, c'est 2 semaines après. Ouais, Exactement, c'est bien ça. Bravo à tous les deux. La réponse est la A, donc 15 jours après ou 2 semaines après. Petit complément d'info, hein, pour un don de sang, il faudra attendre 8 semaines hein, pour un don de sang total. Mais pour le plasma, il est possible de donner tous les 15 jours. Donc bravo à tous les deux. J'espère que vous avez donc appris des choses pendant ce quiz, les auditeurs. Et voilà, on peut passer maintenant à la suite. Le temps du don. Le temps de l'invité. Alors, nous recevons Laetitia Grandidier qui s'est présentée tout à l'heure. Hein, on a donc fait connaissance. Et ce que je souhaiterais maintenant, c'est qu'on aborde un petit peu là, comment ça s'organise depuis donc 2021 au sein de la DSB de Maxéville. Oui, alors comment est-ce que ça s'organise? Donc l'association était un petit peu en difficulté quand je l'ai reprise parce que le président n'était plus en capacité de tenir cette association. On va se le dire, il vieillissait un petit peu, donc il fallait un petit peu de renouveau. Ah, c'est une problématique rencontrée par, malheureusement par bien des associations. Hein. Donc, finalement, quelque part, les planètes se sont alignées puisque je suis arrivée à ce moment-là dans l'association. Et puis, avec des idées plein la tête. On se dit souvent dans les villes, 97% de la population en âge de donner ne donne pas. Donc, et là, on se dit, finalement, on a 3% qui donnent et je les félicite, mais comment on attire les 97% autres? Ça laisse une belle marge de... Voilà. Alors, on n'aurait pas besoin de ces 97% au complet, mais ils nous en faut quand même beaucoup, beaucoup plus pour sauver les malades. Donc là, on se dit, comment est-ce qu'on va faire des collectes qui vont être conviviales, dans lesquelles on va avoir envie de donner, on va sortir un peu du domaine médical, puisque finalement, le sang, c'est quand même un peu... on touche un peu au médical, mais on va rendre ça un peu plus convivial. Convivial, Et puis sympa. On va aller chercher aussi ces donneurs-là, donc, parce que malheureusement, on se rend bien compte qu'ils ne viennent pas naturellement à nous, sauf si, comme moi, ils ont grandi dans cet environnement-là, mais c'est pas inné, hein. Donc, on va sur les marchés, on va dans les commerces, on rentre dans les immeubles pour aller afficher sur les panneaux et puis se faire connaître en fait. Ok. Réside là-dedans. Rassurez-moi, Laetitia, vous faites pas ça toute seule. Alors non. Alors pareil, hein, le comité, comme je vous l'ai dit, était un peu vieillissant et puis compliqué de trouver du monde. Hein. Le bénévolat aujourd'hui. Alors on a besoin que les gens donnent leur temps pour donner son sang, mais on a aussi besoin que les gens donnent leur temps pour venir nous aider en fait. Mmh. Et c'est là où en fait parfois on se dit non, je peux pas donner, je ne peux rien faire pour le don du sang. Eh bien si, on peut faire quand on peut donner et on peut faire aussi quand on ne peut pas donner. Donc il a fallu remonter un comité et j'ai réussi à capter quelques personnes, peut-être pas encore suffisamment parce que je pense que plus on est et plus on peut faire, mais on a aussi agrandi le comité. Il a fallu aussi retrouver une petite trésorerie parce que là aussi, plus on veut faire de l'action de promotion, plus il nous faut de l'argent pour pouvoir... Il y a un moment où on en parle, de l'argent. La guerre. Ouais. Donc tout ça était à refaire au moment où je suis intervenue dans cette association. Ok, et donc il y avait combien de collectes qui étaient organisées à Maxéville quand vous avez repris l'association? Alors, nous avions 2 collectes par an, avec moins de 50 donneurs. Nous n'arrivions pas à atteindre les 50 donneurs. Donc là aussi, c'était le beau chiffre de 100. On s'est dit, nous en faut au moins 50 par collecte pour atteindre les 100. Mmh. Et maintenant, on en est où là maintenant? Eh bien, maintenant, on en est à plus de 160 donneurs l'année dernière et à 3 collectes par an. Bravo. Bravo, ouais. Voilà. Comme quoi, hein, quand on entend souvent des collectes qui ne sont pas tenues, qui sont supprimées, il est quand même possible de passer de 2 à 3 collectes, hein, donc avec des résultats qui sont fort probants. Donc bravo à l'équipe de Maxéville. Je parle de Maxéville, du coup, au niveau de la ville, là, ça se passe comment? C'est un partenaire? Ils jouent le jeu, la ville de Maxéville? Ah oui, pas de problème. On a le prêt de salle gratuit. D'ailleurs, on a changé de salle aussi. Hein, victime de notre succès, il a fallu changer l'endroit pour pouvoir prélever de manière conviviale et puis agréable. Qu'est-ce qu'on donne à Maxéville? Alors, on donne au centre sportif Marie-Marvin, rue Solvay. Voilà. Okay. Et il a fallu changer de salle au sein du complexe, deux salles également, puisqu'on a finalement la plus grande partie du complexe aujourd'hui. Donc on peut encore accueillir des donneurs sans souci. Il reste de la place sur le terrain. Il reste de la place. Et puis la ville nous aide également. Voilà, il y a le panneau luminaire. On n'a aucun souci pour l'affichage en ville. Et puis on participe aussi à la plupart de leurs manifestations. C'est important hein, d'avoir les villes comme partenaires. Hein, Dominique en parlait tout à l'heure aussi dans ses actualités. Donc bah, voilà, ça permet d'illustrer cela aussi. Allez, quels sont les événements auxquels vous participez tout au long de l'année pour promouvoir le don de sang à Maxéville du coup? Alors comme je vous l'ai dit, on fait les marchés la semaine avant nos collectes de sang, où on arrive aussi là à pouvoir discuter avec les gens. Et puis les deux gros événements auxquels on participe sur Maxéville sont, alors le 31 mai nous participerons à la fête des fraises. Ah, ah ça c'est bien. Et puis au mois de septembre, Rock'n'Bock. D'accord. Ah, ça, c'est bien aussi. Ouais, c'est bien. Hein. Oui, c'est pas le même thème, mais les deux sont très sympas. Donc, les marchés auxquels vous participez, c'est sur le site marché des brasseries, c'est ça? C'est ça, oui. Ok. Le jeudi soir. D'accord. On se fait un petit zoom sur la fête des fraises, là. Comment ça va se dérouler, là, votre participation là, dans la fête des fraises? Alors, cette année, on a deux participations un peu différentes. La première, bon, qui n'a rien à voir avec le don du sang, mais qui a à voir avec l'argent, comme on le disait tout à l'heure, ça va être de participer à la buvette le samedi soir. Donc, vous pourrez déjà venir rencontrer une partie de l'équipe. Mais la grosse partie, et c'est celle-ci qui est importante pour nous, va se dérouler le dimanche sur la brocante. On sera donc dans le parc de la mairie avec notre grosse goutte de sang s'il ne pleut pas, notre mascotte également s'il ne pleut pas toujours. Et voilà, on croise les doigts, il n'y a pas de raison. Et puis, on sera là pour promouvoir forcément le don du sang, pour discuter du don du sang et de plasma avec les donneurs et futurs donneurs qu'on espère rencontrer ce jour-là. Voilà, on sera là pour faire des promesses, hein, récolter des promesses. Voilà. Et puis on a aussi notre tombola qui d'année en année s'améliore et qui nous permet de faire gagner des lots aux gens et puis de discuter avec eux et puis encore une fois de rentrer un petit peu d'argent pour derrière réinvestir dans les collations, les objets de promotion. Oui, c'est ça, ça aussi c'est important de le dire parce que tenir une buvette, c'est ce que vous avez dit, là vous allez faire ça le samedi soir, ok. Faire une tombola, ça permet de récolter des fonds, mais derrière l'idée c'est bien celle-là, c'est bien de pouvoir réinvestir dans de la collation améliorée peut-être. C'est bien celle-là, oui. C'est vraiment encore pour réinvestir pour encore trouver plus de donneurs. Il n'y a pas d'autre sujet que celui-ci. Oh, c'est un cercle vertueux. Une belle action, là, cette fête des fraises. Bah, on a en plus une mascotte donc, qui ressemble un peu à une fraise, non? Oui, c'est ça. Du coup, la ville de Maxéville a bien aimé la mascotte du don du sang. Donc maintenant, on devrait être accompagné de la mascotte fraise. S'il pleut, ce qui n'arrive jamais à la fête des fraises, elle se change en Gremlins, c'est ça? on ne testera pas. Ok, merci Laetitia. Dominique, est-ce que tu as une question à poser à Laetitia? Peut-être, non? C'est quand la prochaine collecte? Alors, la prochaine collecte, ça sera le 1er juillet. Eh bien, c'est bientôt, ça, en plus. Vous pourrez faire la promotion, là, lors de la fête des fraises, du coup. Eh bien, oui, on va en profiter, bien sûr. Ok, merci Laetitia. Allez, en guise de mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent, là, pour les inciter à venir donner leur sang, soit sur des collectes mobiles ou, bien sûr, à la Maison du Don? Eh bien, moi, j'ai envie de dire que j'entends trop souvent que la peur de l'aiguille fait peur, mais je vous garantis que quand vous avez un accident, on vous demande pas si l'aiguille, ça vous fait peur ou pas, on vous la plante. Donc, il vaut mieux être donneur que receveur. Et puis, c'est une manière de pouvoir sauver des vies sans finalement trop se fatiguer parce qu'on est allongé, on a juste à tendre le bras. On peut être un super-héros très simplement. Faites-le, franchement, faites-le. Ça peut, je pense qu'on connaît tous des malades autour de nous et ça sauve des vies. Donc, il y a même pas à hésiter quand on parle de vie. Merci Laetitia, c'était un beau mot de la fin. Le temps du don, le temps de l'agenda. Alors Dominique, malgré tous ces jours fériés, peut-on quand même aller sauver des vies en mai? Et bien sûr, regarde, à Chaligny, ce sera le 4 mai. À la Neuville devant Nancy, le 20 mai. À Laxou, le 26 mai. À Villers-Nancy, et plus précisément à Clairieu, je crois que tu connais bien, c'est le 22 mai. Clairieu, oui, je connais bien. Ouais. À Champignol, le 13 mai. À Faux, le 11 mai, un peu plus haut. C'est vrai. Oui, c'est vrai à Faux. À Dieulouard, le 22 mai. À Blénaud-les-Pont-à-Mousson, le 5 mai. À Pagny-sur-Moselle, le 7 mai. Et, je tiens à le préciser, à Nancy, au centre Saint-Sébastien, le 20 mai. Et c'est toute la journée quasiment toute la journée de 11h à 19h. Et puis je rappelle aux étudiants néancéens qui sont nombreux à nous écouter qu'il y a les collectes qui leur sont réservées, oui. Notamment l'école d'architecture le 28 mai, À la fac de médecine le 19 mai, et pour, alors ça c'est un autre, une autre catégorie de personnes, les militaires à la caserne Thierry le 21 mai. Et on ne les oublie pas. Mais non, on ne les oublie pas. Maintenant, un peu plus loin de Nancy, on pourra donner à Arouet le 6 mai, à Lunéville le 18, à Saint-Nicolas-de-Port le 7 et à Saint-Clément le 15. Et on pourra donner à Jarny le 11 mai, de 14h à 19h, et à L'Abri, attention, là c'est le matin, c'est le samedi 23 mai, de 9h à 13h30. Et après, on file aux abris. Exactement, et quel humour. Et à Villers-la-Montagne, alors là on n'est pas du tout dans les Vosges, le 5 mai, et à Alexis le 13. Enfin, à Toul, salle de l'Arsenal, le 27 mai, de 8h30 à midi et de 15h30 à 19h30. Et pour rappel, pour ces dates, ce sont uniquement des dons de sang total, comme d'habitude, je devrais dire. Quand je ne vous donne pas les horaires, c'est donc de 16h à 19h30, après le travail. Donc, on prend une heure tranquille pour se décompresser et tendre son bras avant d'aller retrouver sa famille. Et puis, si vous voulez donner votre plasma ou vos plaquettes, c'est à la maison du don qu'il faut aller. C'est à Nancy, boulevard Lebeau, à côté d'Auchan. Donc, c'est facile à trouver. Il y a même un parking pour garer sa voiture facilement. Et pour prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur le site dondusang.santé.gouv.fr. Et je le redis une fois de plus, téléchargez tous l'appli Don du Sang. Vous y trouverez toutes les dates, les horaires et même un guidage GPS pour trouver les salles. Merci Dominique pour ces infos complètes. Le temps du don, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique le mois prochain, ce sera le 5 juin à 12h30 avec un nouvel invité.